Et maintenant, la critique d'un enfant de 3 ans à propos du travail de Violeta Garcia. Qu'est-ce que c'est comme instrument? Le... Je sais pas comment c'est, comme instrument. C'est un violoncelle, ça s'appelle. Non, pas un violoncelle. Tu as déjà vu un violoncelle? Non, c'est pas un violoncelle. Regarde, écoute. C'est pas un violon. C'est pas un violon, non. C'est plus gros qu'un violoncelle, qu'un violon. C'est pas un violoncelle. Tu veux que je te montre à quoi ça ressemble, un violoncelle? Oui. Violoncelle. Ça me fait penser à un agneau qui se fait manger. Enlève ça. À quoi? À un agneau qui se fait manger. Mais par qui? Pas par un lion. Ah ouais? Oui. Mince. Oups. Aïe. Ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. C'est parce que tu trouves que cette musique, elle fait mal aussi? Ou parce que c'est triste? Oui. Ah ouais? Mais c'est beau aussi. Enfin, moi, je trouve ça beau, en tout cas. Non, c'est pas beau. Ah ouais. C'est ça. Il y a des lions qui se font manger. Ouais. Bah oui, des fois, ça fait penser à des choses comme ça, la musique. Mais ça peut être beau aussi. Parce que c'est pas pour de vrai, il n'y a pas d'agneau qui se fait manger, là. C'est ma... Quelle est votre relation? Oups, pub. Et voilà, c'était la critique d'un enfant de 3 ans. Merci beaucoup, Nour.